L'expédition Ghazwa contre les Banu Qurayza. L'archange Djibril, Gabriel, apparut au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il revint à Médine après la fin du siège des coalisés, alors qu'il se lavait dans la maison d'Oum Salama. Il lui dit « As-tu déposé les armes ? Les anges, quant à eux, n'ont pas déposé les leurs. Je reviens à l'instant de ma poursuite du peuple ennemi. Marche avec ceux qui sont avec toi contre les Banu Qurayza. Je t'y précède pour ébranler leur demeure et jeter la terreur dans leur cœur. » L'ange Djibril partit ensuite à la tête d'un groupe d'anges. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna immédiatement que l'on annonce aux musulmans que celui qui écoute et obéit à Allah et à son envoyé n'acquitte la prière de la Asr, de l'après-midi, qu'une fois arrivé sur le territoire des Banu Qurayza. Il désigna Ibn Maktoum comme son lieutenant à Médine et il confia l'étendard à Ali ibn Abi Talib qui se mit en marche vers l'endroit désigné et qui se rapprocha suffisamment pour entendre les Juifs insulter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'envoyé d'Allah alayhi salatu wa sallam partit à la tête de 3000 combattants, Ansar et Muhajirun confondus. Alors qu'ils étaient en route, l'heure de la prière de la Asr arriva. Certains musulmans refusèrent de l'effectuer tant qu'ils n'arriveraient pas sur le territoire ennemi. Ils n'accomplirent donc la prière du Asr qu'après l'arrivée de celle du Isha, de celle du soir. Tandis que d'autres s'arrêtèrent pour prier, car ils pensèrent que le prophète alayhi salatu wassalam avait seulement voulu qu'ils se hâtent à marcher contre les Banu Qurayza. Le prophète alayhi salatu wassalam ne blâma ni les uns ni les autres. Une fois parvenus devant les fortins des Juifs, ils établirent un siège hermétique. Voyant cette situation fâcheuse, le chef des Juifs, Ka'b ibn Asad, proposa trois issues aux siens. Soit embrasser l'islam. Leur vie, biens, femmes et enfants seraient ainsi saufs. Et il leur rappela alors qu'une telle attitude ne serait pas contradictoire avec leur foi, vu ce qu'ils avaient lu dans leurs livres à propos de la véracité de la mission prophétique de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors, tuer femmes et enfants, pour ensuite combattre sans merci les musulmans afin de les exterminer ou d'être exterminés par eux. Soit enfin, attaquer Muhammad alayhi salatu wassalam et ses compagnons par surprise un samedi, les musulmans pensant n'avoir rien à craindre d'eux en raison du sabbat. Voyant qu'aucune de ces propositions ne les enthousiasma, il leur dit sur un ton agacé et courroucé « Jamais vous n'avez été résolus depuis le jour où vous êtes nés ». Leur avenir apparaissant fort sombre, ils contactèrent certains musulmans qui avaient maintenu leurs relations avec eux afin d'obtenir des détails sur le sort qui leur était réservé dans ce contexte. Ils demandèrent qu'Abu Lubaba vienne pour qu'ils puissent le consulter. À son arrivée, les hommes se mirent à l'implorer et les femmes et les enfants à pleurer de désespoir. Ils lui dirent « Penses-tu que nous devons nous soumettre au jugement de Muhammad ?» Passant sa main sur sa gorge, il leur signifia par ce geste que c'était la mort qui les attendait. Il réalisa tout de suite qu'il avait ainsi trahi la confiance du prophète alayhi salatu wassalam, et se rendant directement à la mosquée de Médine, il s'attacha lui-même à un pilier en bois en jurant que personne ne viendrait le détacher, mis à part le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam. Et il ajouta qu'il ne mettrait jamais plus les pieds dans les habitations des Banu Qurayza, vu la faute grave qu'il avait commise. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut informé de cet incident, il dit « J'aurais supplié Allah de lui pardonner s'il l'avait demandé. Mais puisqu'il a agi ainsi, je ne le détacherai pas avant qu'Allah ne lui pardonne. » Les Juifs des Banu Qurayza auraient pu tenir le siège plus longtemps parce qu'ils disposaient d'une grande quantité de nourriture et d'eau et parce que leur fort était solidement bâti, alors que les musulmans souffraient du froid, de la faim et surtout d'une fatigue excessive due à d'incessantes opérations militaires qui avait commencé avant même le siège des coalisés. Mais la guerre contre les Banu Qurayza fut avant tout une guerre des nerfs, car Allah avait insufflé l'effroi dans les cœurs des Juifs et leur morale allait en s'effondrant, surtout après que deux héros musulmans, Ali ibn Abi Talib et Az-Zubayr ibn al-Awwam, se furent avancés au devant de l'armée musulmane et que Ali eut juré qu'il ne cesserait le combat que s'il dévastait les forts des Juifs ou tombait martyr comme Hamza. Dans ce contexte, ils ne purent que se soumettre au jugement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier ordonna l'arrestation des hommes dont les mains furent attachées sous la surveillance de Muhammad ibn Maslama al-Ansari. Les femmes et les enfants furent mis à part. Alors les Haous allèrent voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dirent « Ô messager d'Allah, tu as traité les Banu Qaynuqa, les alliés de nos frères Khazraj, de la façon que tu sais. Or ceux-ci sont nos propres alliés, alors accorde-leur une faveur. » Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit « Seriez-vous satisfaits si quelqu'un des vôtres les jugeait ?»« Oui, » répondirent-ils. Il reprit « Le jugement sera rendu par Sa'd ibn Mu'adh. » Et ils acceptèrent. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envoya chercher Sa'd ibn Mu'adh, retenu à Médine en raison de la blessure qu'il avait reçue à la veine médiane lors de la bataille contre les coalisés. Celui-ci enfourcha un âne pour aller rejoindre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À son arrivée, les Haous se mirent à lui dire, sollicitant son aide, « Sa'd, traite bien tes alliés, sois clément à leur égard, car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, t'a choisi pour que tu les traites avec égard. » Sa'd resta silencieux, ne leur faisant aucune réponse. Toutefois, lorsqu'ils insistèrent, il leur dit, « Il est temps que Sa'd ne fasse l'objet d'aucun blâme dans ses rapports avec Allah. » Ayant entendu cela, certains d'entre eux retournèrent à Médine annoncer la mort des Banu Qurayza ligotés. Aussitôt que Sa'd l'eut rejoint, le prophète alayhi salatu wassalam dit à ses compagnons « Debout, allez accueillir votre chef ». Alors les gens allèrent vers lui, le firent descendre de son âne puis dirent « Ô Sa'd, ces gens s'en remettent à ton jugement ». Sa'd dit, s'adressant aux Juifs « Mon jugement serait-il valable pour ceux-ci ? » « Oui, » répondirent-ils. Il reprit, « Et aussi pour les musulmans ?»« Oui, » répondirent-ils. Enfin, tournant son visage du côté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ajouta avec vénération, « Valable aussi pour celui-ci ? » Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit, « Oui, valable pour moi. » Alors Sa'd dit, « Donc les hommes, je les condamne à mort. Les enfants et les femmes seront emmenés en captivité et les biens seront partagés. » Sur ce, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Tu as prononcé à leur rencontre le jugement qu'Allah a décrété de par-dessus les sept cieux. » En fait, les Juifs méritaient cette sévère punition pour leur trahison en temps de guerre. Ils avaient en outre amassé un vaste arsenal pour l'utiliser contre les musulmans. 1500 épées, 2000 lances, 300 cottes de mailles et 500 boucliers que les musulmans récupérèrent après la conquête de leur terre. Des tranchées furent creusées dans le marché de Médine et 6 à 700 juifs y furent exécutés. Ainsi furent châtiés les Banu Qurayza pour leur trahison, leur dénonciation du pacte ainsi que pour le soutien qu'ils avaient apporté aux coalisés dans leur dessein funeste d'exterminer les musulmans. Ils étaient, selon la terminologie moderne, des criminels de guerre passibles des peines qui furent les leurs. Huyay ibn Akhtab, l'homme démoniaque des Banu Nadir et père de la future mère des croyants, Safiya, radiyallahu anha, avait rejoint les rangs des Banu Qurayza lorsque les Qurayshites et les Ratafan avaient fait défection. Il fut amené devant le prophète, alayhi salatu wassalam, les mains attachées à son cou par une corde. Pris d'une audace insolente, il persista à se déclarer l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Par Allah, je ne me reproche pas mon hostilité à ton égard, mais celui qui combat Allah ne peut triompher. » S'adressant aux siens, il dit « Ô vous les gens, c'est là le décret d'Allah, et il faut s'y résigner. C'est un massacre qu'Allah a décrété à l'encontre des fils d'Israël. » Puis il s'assit et on le décapita. Une seule femme juive fut tuée parce qu'elle avait causé la mort de Khalad ibn Suwayd en jetant sur lui une meule. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna d'épargner les hommes qui n'avaient pas atteint l'âge adulte. Ce fut le cas de Atiyya al-Quradi, qui devint musulman et compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Thabit ibn Qays demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, d'épargner Az-Zubayr ibn Ba'ata, envers qui il avait une dette. Mais lorsque ce dernier apprit la mort de son peuple, il pria Thabit ibn Qays de le tuer pour rejoindre ses bien-aimés parmi les Juifs. Un des enfants d'Az-Zubayr ibn Ba'ata, Abdurrahman ibn Zubayr, se convertit à l'islam et devint un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. De son côté, Umul Munzir Salma bint Qays al-Najariya demanda au prophète alayhi salatu wassalam d'épargner Rifa'a ibn Samoa al-Quradi qui lui aussi embrassa l'islam et fut un des compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres juifs embrassèrent l'islam et leur vie, leurs enfants et leurs biens furent épargnés. Après prélèvement du cinquième légal, le prophète alayhi salatu wassalam partagea le butin entre les combattants. Le cavalier avait droit à trois parts et le fantassin à une seule. Les captifs furent envoyés au Nejd où ils furent vendus et avec leur prix furent achetés des chevaux et des armes. Pour lui-même, le prophète alayhi salatu wassalam choisit Rayhana bint Amr ibn Khunaqa qui selon Ibn Ishaq resta l'esclave du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à sa mort. Selon Al-Kalbi, le prophète alayhi salatu wassalam l'affranchit et l'épousa dans la sixième année de l'Hégire. Elle mourut peu après le pèlerinage d'adieu et elle fut enterrée au cimetière d'Al-Baqir. Une fois la guerre terminée avec les Banu Qurayza, le vœu de Sa'd ibn Mu'az fut exaucé et il rendit son dernier soupir. D'après Aïcha radiallahu anha, la plaie de Sa'd s'ouvrit alors qu'il se trouvait dans la tente que le prophète alayhi salatu wassalam avait dressée pour lui dans la mosquée afin de veiller sur lui et d'en prendre soin. Les gens ne réagirent que lorsque le sang coula vers eux. Dans la mosquée, près de la tente de Sa'd, se trouvait celle des Banu Rifar. Ils dirent « Ô gens de la tente, que signifie ce sang qui vient de votre côté ?» C'était la blessure de Sa'd qui saignait et il en mourut. Jabir a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le trône du miséricordieux a tremblé à la mort de Sa'd ibn Mu'az. » At-Tirmidhi a rapporté d'après Anas « Lorsque le corps fut soulevé pour être porté en terre, les hypocrites dirent « Quel léger cercueil !» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur répliqua « Les anges le portent !» Lors du siège des Banu Qurayza, deux musulmans trouvèrent la mort. Khalad ibn Suwayd, tué par une meule que jeta sur lui une femme juive, et Abu Sinan ibn Mihsan, le frère de Ukasha. Abu Lubaba demeura attaché dans la mosquée six nuits durant. Sa femme le détachait aux heures de prière, ensuite il se rattachait au pilier. Un matin de très bonne heure, Allah révéla un verset à son messager alayhi salatu wassalam, spécifiant qu'il avait pardonné à Abu Lubaba. Les musulmans coururent alors pour le détacher, mais il insista pour que le prophète alayhi salatu wassalam vienne lui-même lui défaire ses liens, ce qu'il fit peu avant la prière de l'aube. Cette expédition eut lieu au mois de Dhul-Qi'ada de la cinquième année de l'Hégire et le siège des forts des Banu Qurayza dura 25 jours. La sourate Les Coalisés, Al-Ahzab, fut révélée, contenant les paroles d'Allah sur les faits marquants de ces événements, à savoir l'état des croyants et celui des hypocrites, la défection des Coalisés et les conséquences de la trahison des Juifs.